Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Notre monde est peuplé d'acronymes, ces groupes d'initiales qui, mis bout à bout, forment un mot. C'est souvent le cas dans les marques, dans l'industrie. Audi, c'est Automobile Union Deutschland Industrie. Seat, c'est Sociedad Española de Automobiles de Turismo. Fiat, c'est Fabrica Italiana Automobili Torino. La politique aussi a produit beaucoup d'acronymes. Mais attention, tout ce qui est formé d'initiales ne peut pas se targuer d'être un acronyme. Par exemple, RPF, le Rassemblement du Peuple Français, le parti que le général de Gaulle fonde en 1947. Ça, ce n'est pas un acronyme. Chaque lettre se prononce RPF, c'est juste un sigle. Et souvent, le sigle n'évoque pas grand-chose, il est obscur. Tiens, restons au temps de mon général, mais de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. UDMA, MTLD, FLN, peu évident tout ça. Mais quand les sigles retrouvent leur nom complet, nous y voyons beaucoup plus clair. Derrière ces sigles se trouvent les combats pour l'indépendance, Union démocratique du manifeste algérien, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, Front de libération nationale. Enfin, y voyons-nous vraiment plus clair? Quelles furent les voix, avec un X, et les voix ES de l'indépendance algérienne? Pour nous éclairer, il y a les historiens et les historiennes, CQFD. Aujourd'hui, le cours de l'histoire sur France Culture se rend en Algérie, 8 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. C'est aujourd'hui que se tient l'élection présidentielle et retour sur ces différentes voies de l'indépendance algérienne. Sur tout le XXe siècle, que disent-elles des tensions algériennes aujourd'hui? Des émissions qui sont à réécouter en ligne sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez discuter de l'actualité de l'histoire et de l'actualité de ces émissions sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, pour ne parler de ces voies d'indépendance algérienne, nous recevons Malika Rahal. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes chargé de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, rattaché au CNRS. Vous êtes l'auteur de l'UDMA et les UNMIST, contribution à l'histoire du nationalisme algérien. Vous êtes quelqu'un qui est capable de décrypter ces sigles. Et je vais vous demander tout de suite, Malika Rahal, je m'amusais un peu dans le chapeau à évoquer tous ces sigles de parti. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit RPF, des noms du parti ancien, ça n'évoque plus grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui, en Algérie, ces mouvements de l'indépendance, l'UDMA, le MTLD, le FLN, etc. Ah oui, le FLN, oui. Est-ce que les autres évoquent encore quelque chose? Un petit peu, et ça varie selon les générations et ça varie un peu selon les époques. Par exemple, on a vu un phénomène assez intéressant dans les dernières années. C'est le fait que, justement, l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien, qui était le parti de Ferhat Abbas, est un parti qui est un peu revenu à la mode. Je m'en étais rendu compte quand j'avais publié mon livre, avec beaucoup de gens qui s'interrogeaient pour savoir qu'aurait été l'Algérie si ça avait été lui qui avait été au pouvoir. Alors, pour un historien, c'est pas forcément une question très intéressante parce qu'il y a des raisons pour lesquelles, en fait, ça n'a pas été lui. Mais cette façon de poser la question et cette façon de le ramener au devant de l'histoire en disant d'une certaine façon, ça aurait été mieux si ça avait été différemment, c'est une façon de critiquer aussi le présent et donc de faire un usage du passé. Donc on est dans quelque chose que nous les historiens on connaît bien, ce sont ces usages un peu politiques du passé et le fait que du coup on ramène des figures anciennes pour critiquer le présent. Voilà, avec vous aujourd'hui Malika Rahal, il y a deux choses à voir. Déjà comprendre que le FLN qui paraît comme une évidence que celui qui s'est imposé ne l'était pas vraiment. Il y avait plein de voix et on va essayer de décrypter ces différentes voix et puis voir comment tout ce qui a été réfléchi par le passé explique la situation de l'Algérie aujourd'hui où se tient l'élection présidentielle. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Kien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Kien avec sous le bras son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons faire un petit tour le 13 novembre 1958 au Cercle de la France d'Outre-mer, ça se trouve à Paris, parce que ce 13 novembre 1958, l'association L'Algérienne invitait pour une conférence l'écrivain Albert Camus. Je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, Je voudrais simplement dire que, personnellement, au long d'une vie où, en somme, les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne, l'une des chances principales est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Albert Camus qui parle en 1958, donc dans un moment particulier. On parle alors d'événements de notre côté. C'est une guerre, en fait, qui a commencé en Algérie. Et Camus évoque ce déchirement de l'Algérie entre un attachement évident pour lui, il parle de sa personne à la France, et puis le constat de la situation extrêmement complexe. Malik Haral, en étudiant l'idée d'indépendance de l'Algérie, des mouvements d'indépendance, en fait, il faut déjà remonter à 1830, au moment où les Français arrivent. L'idée d'indépendance ne disparaît jamais ou elle ne surgit jamais, elle est toujours présente. Elle est toujours présente et sous des formes assez différentes, et c'est intéressant de voir le devenir justement du souvenir de 1830 et de se rendre compte par exemple qu'au moment de l'indépendance en 1962, on se rappelle très bien de 1830, on l'évoque et on met les deux dates en parallèle comme si on allait pouvoir refermer une longue parenthèse de l'histoire, ce qui est évidemment aussi une construction historique, mais elle est intéressante. Et en même temps, elle évolue au fil du temps et elle n'est pas toujours revendiquée de la même façon. Il y a des généalogies en Algérie comme dans d'autres pays. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure était très juste sur le fait que pour raconter ces généalogies de lutte pour l'indépendance, souvent il faut faire des listes en fait de mouvements, de courants, de partis qu'on est non un peu oubliés ou un peu difficiles à retenir, et du coup c'est confus. Mais en même temps, il faut bien revenir à des formes de mobilisation qui datent de la guerre de la conquête, qui datent des formes de résistance et des révoltes et des rébellions qui ont eu lieu tout au long du 19e siècle et même au début du 20e siècle, pour voir comment ensuite se sont organisés des courants, progressivement des partis qui, même quand ils ne revendiquaient pas l'indépendance, ont quand même eu pour but de maintenir une forme d'organisation dans la société, de faire que les liens demeurent, de réfléchir sur la question de qu'est-ce qui fait lien entre Algériens et qu'est-ce que nous sommes, cette question un peu obsessionnelle qui va continuer encore à être posée après l'indépendance. Oui, c'est ce qu'on entendait avec Albert Camus, hein. Nous, Algériens, c'est mais qu'est-ce que nous sommes dans ce mouvement d'indépendance. Si l'on cherchait à dater une organisation un peu cohérente qui va conduire à ce qu'on connaît dans les années 50 et puis jusqu'à l'indépendance en 1962, à quel moment serions-nous ? C'est plutôt début 20e siècle, entre deux guerres ? Je pense que vraiment, l'entre-deux-guerres, c'est le moment où les choses se cristallisent, et souvent, on mentionne la création... étrangement peut-être dans l'émigration algérienne en France ou dans l'émigration coloniale en France, parce qu'il y a un vrai terreau des peuples coloniaux venus travailler en France métropolitaine, avec la création d'une organisation qui s'appelle l'Étoile Nord-Africaine en 1926, dont un des personnages importants qui va être très important dans l'histoire de l'Algérie ensuite est Messali El Hadj. Et c'est la première organisation qui pose clairement la question de l'indépendance. Ensuite, Messali El Hadj va avoir une série d'organisations et de partis qui vont toujours être porteuses de cette question de l'indépendance. Donc on pourrait le dater là. On pourrait le dater là avec, c'est vrai, ce personnage. Alors, je vais pas le dire comme vous, hein, mais je vais dire Messali Hadj. Messali Hadj. Non, mais c'est important de le souligner parce que son mouvement qu'il crée en France, sur le territoire français, est à la source du FLN. Donc, c'est vrai qu'il est important de présenter Messali Hadj. Qui est-il? Alors, c'est justement une personne qui est issue de la région de Tlemcen, qui est porteur d'un héritage religieux, culturel important, et qui en même temps fait partie de ces troupes qui sont, ou de ces groupes de gens qui viennent travailler en France métropolitaine et qui du coup sont aussi acculturés au Parti communiste français, aux luttes syndicales, à la vie ouvrière, qui fréquentent tous ces autres émigrés coloniaux qui sont présents à Paris, et du coup apprennent aussi du monde plus large. Et c'est pas très étonnant que cette organisation, l'Étoile Nord-Africaine, elle soit à l'échelle nord-africaine et pas seulement à l'échelle algérienne. Et donc il y a tout ça qui s'accumule accumule un peu dans son bagage et qu'il conduit à la création d'organisations et ensuite de partis. Plus tard, ça sera le Parti du peuple algérien. Et plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, ça sera ce parti que vous avez mentionné tout à l'heure, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Malika Rahal, quand vous nous présentez Mes Alliages, vous insistez, vous le dites, à l'aspect religieux. Et c'est vrai que nous avons des photos de lui et nous le voyons nettement. Il est, par ses vêtements, marqué dans une identité. Alors, religieuse peut-être pas, mais ou algérienne. En tout cas, il y a une volonté d'identité. Est-ce que la religion est importante dans l'idée de souder, de créer l'identité algérienne dans un but d'indépendance? Alors, elle est vraiment centrale. Et alors, si on revient sur la personnalité de Messali El Hadj, par exemple, il y a toute une question qui est de savoir quel est le degré aussi de mise en scène. C'est-à-dire qu'on joue sur quelque chose dont on pense que ça va sans doute fonctionner. Il faut revenir aussi sur la nature du régime colonial, qui a été un régime en Algérie particulièrement destructeur des liens entre les gens et de la culture, notamment de la langue, avec vraiment un effondrement sous l'impérialisme de la culture collective. Et le fait que du coup, la culture religieuse, parfois, y compris très intime, très familiale, souvent très marquée dans le corps des femmes, est devenue un peu le réservoir ou le lieu de résistance de l'identité collective. Et du coup, c'est une des complications de l'ensemble du mouvement national algérien que cette identité religieuse ait été à ce point le réceptacle de ce qu'il pouvait rester, de ce qu'on pouvait conserver à travers toute la période coloniale, parce que ça en fait forcément quelque chose de central. Donc ça a été central dans le nationalisme de Messali El Hadj. D'autres courants ont joué différemment sur la question religieuse, et cette question elle s'est reposée au moment de la guerre d'indépendance, notamment dans le choix que fait le Front de Libération Nationale de conserver un certain nombre de termes. Le journal du FLN s'appelle El Mujahid, c'est-à-dire le combattant qui mène le djihad en réalité. Donc, peu importe que ces troupes soient des troupes aussi nationalistes qui luttent pour l'indépendance, il y a au début de la guerre des débats sur cette question-là, et puis on conserve ces termes. Et dans le concret de la mobilisation des paysans, des gens qui vont adhérer aux différents partis et ensuite au FLN, le discours sur la religion, qu'on a parfois du mal à bien connaître parce qu'il n'est pas toujours imprimé, diffusé, répété, mais il se traduit dans des réunions, dans des rencontres, dans les villages, etc. Le discours religieux a quand même un rôle important. Alors Malika Rahal, si on reste autour de ce personnage de Messali El Hadj. Messali El Hadj, donc, prône la religion, mais dans un sens de renforcer l'identité, dans le but de l'indépendance, et on comprend très bien la logique. Mais vous nous avez dit également que, vu qu'il est en France, il travaille, il rencontre les gens du Parti communiste. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Comment ça s'inscrit, en fait, dans ce mouvement-là? Est-ce que le nationalisme prend le dessus sur l'action politique, ou est-ce que ça s'insère complètement? En fait, ces choses sont très difficiles à démêler complètement. Oui, mais Messali El Hadj est de gauche. Il a une préoccupation populaire. Il a une préoccupation de la question agraire, notamment la question de la place de la paysannerie. C'est une question fondamentale dans le contexte colonial parce que la colonisation de l'Algérie s'appuie sur la dépossession foncière. Donc on a des situations où des tribus entières ont perdu leurs terres, ont été appauvries, ont été réduites à l'état de ce qu'on appelle les khames, les ouvriers agricoles très modestes ou parfois misérables. Et donc cette question agricole, elle est centrale. En même temps, dans les migrations, il rencontre davantage aussi la question ouvrière qui se pose aussi de plus en plus sur le territoire algérien lui-même avec l'exode vers les villes et la transformation des modes de travail. Donc en fait, il y a toute une réalité de gauche qui rentre aussi dans la matrice nationaliste proposée par Messali El Hadj. Et presque, j'allais dire paradoxalement, même dans d'autres mouvements politiques plus conservateurs, notamment ce qu'on appelle la Fédération des élus du docteur Benjelloul dans l'entre-deux-guerres, ou le militantisme déjà de Farhat Abbas, la question paysanne, la question du nombre, la question du droit des paysans et du retour à la terre, elle est aussi posée. Donc on a aussi ces racines de gauche très, très importantes liées au contexte colonial. Et puis il y a l'action. Comment agir? Malika Rahal, vous êtes là aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture pour nous aider à comprendre les différentes voies je mets un X à voix, ces paroles de l'indépendance. Il y a ce mouvement de Messali Hadj, il y en a d'autres. Vous avez cité le nom de Ferhat Abbas. Nous les comptons. Il parle à la radio française en 1946. Eh bien, voulez-vous que nous laissions à Ferhat Abbas le soin de vous répondre ? Je dis que cette personnalité existe du fait même, et il s'agit simplement d'être de bonne foi, que 116 ans de colonisation n'ont pas pu faire de l'Algérie trois départements français. Et que si aujourd'hui un problème algérien existe, c'est que, précisément, cette personnalité a joué à l'insu même des populations musulmanes. C'est nous qui avons raison lorsque nous disons « réforme politique d'abord ». Réforme politique d'abord, c'est Ferhat Abbas. En 1946, une voix dans toutes les voies qui prônent l'indépendance algérienne. Malik Haral, déjà, il faut peut-être préciser le contexte. Nous sommes 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Quel est le changement dans la lutte pour l'indépendance ? Alors, quelqu'un comme Ferhat Abbas, c'est quelqu'un qui vient d'un parcours que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, plutôt ce qu'on a appelé la Fédération des élus, des gens qui luttaient pour ce qu'on a appelé l'assimilation, c'est-à-dire le fait que la population coloniale algérienne puisse être intégrée pleinement à l'intérieur de la citoyenneté française. Avec le regard d'aujourd'hui, ça a l'air pas très radical du tout, cette exigence d'être français à part entière. En fait, il faut quand même bien dire, ça rend la population coloniale, la population des colons, ça les rend dingues, hein, cette prétention à se croire citoyen français de plein droit, c'est déjà vraiment considéré comme quelque chose d'assez radical. Et en même temps, dans son parcours, il y a un moment de bascule très important pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le moment de la rédaction d'un texte qui s'appelle « Le manifeste du peuple algérien » en février 1943, par lequel des gens comme Ferhat Abbas font la bascule vers une exigence désormais de citoyenneté, non pas dans la citoyenneté française, parce qu'ils considèrent que ça ne va jamais arriver, ça ne va pas fonctionner, mais que cette citoyenneté sera désormais une citoyenneté algérienne dans une situation d'indépendance. C'est-à-dire que lutter contre la colonisation, mettre fin à la colonisation, ça ne va pas marcher dans la France, ça va devoir marcher dans l'Algérie. Malik Haral, donc on voit bien que dans les mouvements d'indépendance possibles, il y a la lutte armée, c'est logique. Et puis, il y a des mouvements prônés par exemple par Ferhat Abbas, qui était un mouvement d'assimilation, de négociation, imaginez. Et puis, vous expliquez cette bascule, on peut la dater, vous l'avez fait en 1943. Elle s'explique par quoi la bascule ? Ce n'est pas simplement le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que l'on constate à ce moment-là sur le rapport que la France a avec l'Algérie ? En fait, on a déjà eu un certain nombre de revendications et de réformes. Elles ont souvent été décevantes. Hein. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, on a vraiment très fort l'idée que le sacrifice des troupes coloniales, le fait que 300 000 Algériens ou davantage ont participé à la Première Guerre mondiale, ça allait leur valoir en retour une accession plus grande aux droits et à la citoyenneté, ça n'a pas eu lieu. Des réformes, même modestes, comme un projet qui s'appelle le projet Blum-Violette, n'a pas pu être passé, a échoué. Et donc la croyance dans l'idée de cette assimilation, quand même, elle s'émousse, y compris parmi ceux qui devraient être les plus fervents porteurs de cette idée, les gens qui sont éduqués dans l'école française, comme Ferhat Abbas. En même temps, la Seconde Guerre mondiale, elle promet des changements à l'échelle internationale. Elle montre quand même un affaiblissement de la France et à l'intérieur de l'Algérie, une maturation des discussions. On parle beaucoup entre gens qui sont engagés dans la vie politique. Il y a des discussions à perte de vue entre les partisans de Ferhat Abbas et ceux de Messali Hadj. Et cette maturation, elle aboutit à ce texte qui est en même temps un texte et qui est en même temps un mouvement. C'est-à-dire qu'autour du texte, on a une association qui s'appelle l'Association des Amis du Manifeste et de la Liberté, qui est immédiatement très populaire. Alors on parle, mais les chiffres sont vraiment fragiles, de peut-être 100 000 adhésions très rapidement, et surtout avec des histoires qui montrent l'intimité que ça prend dans la vie des gens, des épouses qui menacent de divorcer leur mari s'ils n'adhèrent pas à l'organisation par exemple. Donc quelque chose qui rentre vraiment dans la vie des familles, dans la vie des villages ou des villes, d'un mouvement désormais populaire qui sera réprimé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. un mouvement populaire, malgré tout, qui a différentes voix. Alors, c'est vrai que ce matin, Malik Haral, on utilise beaucoup le nom des chefs de ces mouvements, parce que c'est vrai que c'est plus simple de dire Messali Hadj, de dire Ferhat Abbas, de comprendre comme ça par une incarnation, mais derrière ça, il y a des partis, en fait. Ferhat Abbas, c'est l'UDMA, alors c'est vrai, l'Union démocratique. Dites-nous, comment ces partis, en fait, peuvent exister dans un monde de colonisation? Ce sont des mouvements, c'est secret en fait. Alors ils ne se créent pas encore tout de suite au moment du manifeste, même s'ils existent sous forme de courant. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout ça après se la Seconde Guerre mondiale que ça se construit. Et ça se construit en deux temps. Le premier temps, c'est l'énorme répression des émeutes de mai 1945 et le fait que les leaders de ce qu'on appelle les AML, les Amis du Manifeste, sont emprisonnés. Parfois, ils sont assassinés, parfois, ils sont fusillés. En tout cas, ils demeurent souvent en camp très, très longtemps, jusqu'à leur libération en mars 1946. Et au moment de leur libération, il y a eu des réformes électorales qui permettent un certain accès à l'élection nationale pour la population colonisée et du coup change un peu la donne qui a été celle de avant la guerre. On a cette possibilité d'élection, elles sont mal fagotées parce que la population colonisée qui est 9 fois plus nombreuse, elle élit 10 fois moins de candidats, mais il y a cette possibilité d'une sorte de scène politique. Et tout de suite, on a une série d'élections. On a des élections à l'Assemblée nationale constituante en France, c'est celle de 45, puis celle de 46. En 46, se présente Ferhat Abbas avec les siens. Fin 46, à la nouvelle Assemblée nationale constituante, vont se présenter Messali Hadj et les siens. Et on a toutes sortes de débats entre eux pour savoir est-ce qu'on y va ensemble, on n'y va pas ensemble, avec qui on fait alliance, est-ce qu'on doit faire alliance avec les partis de gauche, est-ce qu'on doit faire alliance avec le Parti communiste algérien, est-ce qu'on doit faire alliance avec les socialistes. Le résultat de ces négociations, c'est qu'en fait, on n'arrive pas et que du coup, on va séparément et que se cristallisent des organisations différents. Donc c'est parce qu'il y a cette scène un peu bizarre, cette scène coloniale un peu bizarre, que sur cette scène peuvent se créer des organisations qui sont en même temps alliées sur la question de l'indépendance, mais en même temps concurrentes. Et on ne cesse de trouver des liens nouveaux entre elles. C'est-à-dire que tout ce temps où ça va exister, ce système de pluripartisme, ils ne font que parler de la question de l'union et ils ne font que, en fait, pas y arriver vraiment. Et alors, justement, l'historienne que vous êtes, Malik Haral, a étudié l'UDMA particulièrement, mais enfin, vous connaissez l'ensemble de ces partis. Il y a des sources pour vous, parce que nous sentons bien dans ce que vous expliquez que tout ça, c'est de la tractation, de la négociation. Nous sommes, en plus, dans un contexte colonial. Donc, le discours n'est pas aussi libre que ça pourrait être après l'indépendance, quoique. Comment vous avez accès à des sources? Alors, il faut forcément travailler avec les sources qui sont celles de la situation coloniale. Donc, les sources les plus nombreuses, ça va être par exemple les sources de la surveillance policière. Et l'Algérie, constituée de 3 départements français, je pense, fait partie des départements qui sont les plus surveillés. Alors, ça nous donne l'illusion un peu qu'on a accès à tout, que dès que vous avez plus de 3 personnes qui parlent ensemble, il y a forcément un rapport de police. Il y a beaucoup d'informateurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de tractations qui sont secrètes et qu'on ne connaît pas. Ce que ça veut dire, c'est que ça survalorise un peu les activités qui sont les activités légales. Donc un parti comme l'UDMA qui est plutôt du côté de la légalité, on va avoir quand même une assez bonne idée de ce qui se dit et de ce qui se fait. Un parti comme le MTLD qui a aussi un pendant clandestin qui s'appelle l'organisation secrète. Alors là, ça devient plus compliqué et il va falloir travailler aussi à partir de témoignages ou à partir d'archives de la clandestinité pour connaître les groupes armés qui se sont mis en place, leur position et leurs négociations avec la partie légale de leurs organisations. Vous évoquez le MTLD de Messali Hadj qui a un groupe armé donc secret. Il y a beaucoup d'exilés qui œuvrent depuis l'étranger parce que nous avons évoqué Messali Hadj qui est en France au tout début, pendant l'entre-deux-guerres, pour mettre en place un mouvement. Nous voyons que nous sommes en Algérie avec des gens qui luttent. Il y a des gens qui sont hors de la France? Oui, alors il y a des gens qui sont hors de la France et puis il y a ces gens qui sont en France. Et il y a beaucoup de discussions entre les partis politiques et les autres partis coloniaux. Le Rassemblement démocratique africain, des partis de Madagascar, des partis maghrébins bien sûr, le Destour en Tunisie, l'Istiqlal au Maroc. On a, alors en particulier, c'est vrai pour l'UDMA, c'est aussi vrai pour Messali Hadj, on a beaucoup de connexions et de de discussion, avec parfois des relations tendues. Il y a des fois où Bourguiba envoie des messages à Ferhat Abbas pour lui dire « ça va pas du tout ce que tu fais, c'est n'importe quoi ». Enfin, il y a de la discussion pour essayer de rendre ces lignes communes et d'échanger des idées. Et cet imaginaire, notamment l'imaginaire maghrébin, il est très, très important. C'est pas le seul. Parmi les questions qui rassemblent beaucoup les nationalistes algériens, on a des questions précises, par exemple le soutien aux gens qui sont réprimés, le soutien aux emprisonnés et la solidarité agissante de tous les jours, leur fournir des avocats, leur fournir de la nourriture, etc. On a aussi, par exemple, la question de la Palestine, qui permet de créer des comités où les nationalistes se retrouvent entre eux. Et puis cette question de la solidarité maghrébine, qui est aussi largement partagée à cette époque-là et qui est un des horizons, si vous voulez, du nationalisme algérien de l'époque. Des questions qui rassemblent malgré tout toujours cette difficulté d'une union des différents mouvements nationalistes. Nous réfléchissons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture aux différentes voies des mouvements nationalistes en Algérie, ces voies qui vont aboutir à l'indépendance. Certaines se sont peut-être tues, mais elles sont toujours présentes et elles expliquent en partie les élections aujourd'hui en Algérie. Et puisqu'il faut faire un détour par le plaisir de ce que nous offre le monde qui a été le nôtre, qui est toujours le nôtre, qui est notre culture, nous allons écouter Idir qui chante Exil parce que c'est sublime dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la Technics Jean-Frédéric. حنروح أمل استغري في السام قيم ذا الحباب ذي سلام يا ويقادي غي حملان ما دل دغزي العمار يا دلو غرغر ذا غروان ما يلا وان دغث تشوف يا اسمح دقول كنينا قال ذاك لهنا مبريديك هون ذاوي ما تربح غنى رباح مرة ما تغليط سمح دوي إيدير qui chante Exil sur l'album Sublime Identité. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous essayons de comprendre les mouvements algériens qui ont conduit à l'indépendance. Avec vous, Malika Rahal, nous disions que les mouvements qui prônent l'indépendance, qui veulent l'indépendance, existent en fait depuis 1830, mais ils se structurent, 1830 c'est la colonisation, ils se structurent, allez, dans l'entre-deux-guerres, et que la Seconde Guerre mondiale est un moment majeur, avec une volonté d'union, mais une union impossible. On n'arrive pas à atteindre cette union. L'union est impossible parce qu'il y a des mésaccords sur les orientations à prendre, c'est-à-dire que entre le Parti communiste algérien, entre l'UDMA de Ferhat Abbas qui, dans un premier temps, voulait une assimilation, et puis le MTLD de Messali Hadj qui veut une action plus forte, c'est le mode d'action qui pose problème ou c'est la vision politique globale de ce que sera l'Algérie après ? Il y a deux problèmes au moins. Le premier problème, c'est un problème de comment on conçoit la nation algérienne à venir. Et là, on a deux options assez différentes. Par exemple, pour le Parti communiste algérien, il y a un vrai choix d'essayer de mobiliser à la fois dans la population coloniale, la population française, et dans la population colonisée, et d'essayer de tenir ces deux mobilisations. Et on voit bien dans le parcours du Parti communiste algérien qu'il y a des oscillations entre des temps où ils sont plus du côté de l'Algérie l'algérianisation, mobiliser la population colonisée, et du coup, pour les mobiliser, bah, parler davantage d'indépendance, mais dans ce cas-là, souvent, ils perdent de l'autre côté, et au contraire, se remettre un peu dans la ligne du Parti communiste français et risquer de perdre côté algérien, en fait. Donc, on voit bien cette tension. L'UDMA est un parti qui, lui aussi, propose une vision de la République algérienne démocratique et sociale à venir, qui sera une république qui va intégrer à la fois la composante française et la composante colonisée de la population algérienne dans une Algérie où ceux qui souhaitent pourront être algériens. Dans la pratique, ça fonctionne pas du tout. Parce que lorsqu'ils essayent de faire venir à eux et à leur parti des gens comme Camus ou d'autres Français d'Algérie, ils n'arrivent pas du tout à les attirer. Parce que ce parti qui met en avant la question de la fin de la colonisation et de l'indépendance algérienne, ça n'est pas du tout un horizon qui parle beaucoup à la population européenne. Et de l'autre côté, vous avez le MTLD qui est plutôt dans une ligne où la question de l'identité proprement algérienne est plus forte, et cette question de l'intégration des Français, elle est pas très importante, et notamment ça va jouer sur les questions d'alliance, avec qui on va s'allier. Pour l'UDMA, c'est très important de s'allier avec le Parti communiste, voire même avec les socialistes. Pour le MTLD, l'important c'est l'alliance entre les deux grands partis algériens, UDMA et MTLD, et du coup ça fonctionne pas, en fait, on n'arrive pas à avoir une vision ensemble. Donc ça, c'est le premier problème qui se pose. Le deuxième problème, c'est aussi un problème de méthode, et là il y a un traumatisme vraiment très très fort, qui est celui de mai 1945. Le fait que les partisans de Messalil Hadj sont plus favorables, ou ont été plus favorables, à la manifestation au risque de la répression, et que cette répression, elle a été d'une violence très très grande, ça trouble les partisans de Ferhat Abbas, qui sont plus dans une position bienveillante, un peu paternaliste avec la population, et donc il faut les protéger à tout prix en évitant des actions trop directes. Et cette crainte de l'action trop directe, elle conduit aussi souvent à saboter les possibilités de rapprochement entre les deux organisations. Mais c'est vrai que c'est une lecture qu'on peut faire sur plein de mouvements dans l'histoire entre, on va dire, la négociation ou les armes, hein, tout simplement. Nous allons écouter Malik Haral. Une résolution votée au congrès de l'UDMA, donc le parti de Ferhat Abbas, qui serait plutôt favorable à faire cela en douceur, à atteindre l'indépendance en douceur. Nous sommes en septembre 1948. Cette résolution nous est lue ce matin par Élodie Hubert. L'Union démocratique a axé son programme sur le contenu du manifeste algérien. Réaffirmant son attachement à œuvrer à la concrétisation de la liberté et de l'égalité, son refus de l'assimilation et de la scission avec la France, compte tenu de l'accession récente, de son point de vue, du peuple algérien à la démocratie, aux sciences et à l'industrie, et qui se doit donc de s'associer à une grande nation libre et de se frotter à une démocratie française ancienne. Tout en affirmant que ceci constituait les positions de son mouvement, Abbas émit des réserves par rapport au MTLD et affirma qu'il œuvrait pour la compréhension entre Algériens et Européens dans le cadre d'un État libre rattaché à la France. Une résolution votée au congrès de l'UNMA en septembre 1948. Nous entendons dans cette extrait qui est lu par Élodie Hubert, une évocation du manifeste algérien, donc celui de 1943, celui qui met vraiment en place les bases de la réflexion sur l'indépendance. Comment s'inscrit ce mouvement UDMA dans l'espoir de pouvoir atteindre une Algérie indépendante, un État libre rattaché à la France? Ça se construit intellectuellement de manière complètement possible dans cette juste après Seconde Guerre mondiale. Il faut imaginer que la temporalité est bizarre. En fait, en 46, 47 et peut-être même encore en 48, on a l'impression que l'indépendance, elle pourrait arriver très vite. Il y a des possibilités, il va falloir voter un nouveau statut pour l'Algérie, et peut-être que ce statut pourrait créer une assemblée, qui soit une assemblée algérienne, qui pourrait ensuite conduire à l'indépendance. Donc l'horizon possible de l'indépendance, c'est 2, 3, 4 ans. Et donc, dans cet horizon possible, effectivement, à la tête de l'UDMA, on est plutôt favorable à des liens qui se construisent avec la France dans le long terme. Et quand je dis à l'UDMA, c'est plutôt à la tête de l'UDMA, parce que sur le terrain, et notamment dans la jeunesse, ça rue plutôt dans les brancards sur cette question-là. On n'est pas du tout spécialement favorable à ça. À partir de 47, 48, 49, l'horizon de l'indépendance devient beaucoup plus lointain. C'est-à-dire, ces possibilités, la nouvelle constitution française, le statut de l'Algérie se sont refermés, n'ont pas apporté grand-chose. Et du coup, l'horizon de l'indépendance, il vient, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas à travers quelles épreuves. Donc le discours de l'UDMA va se radicaliser un peu sur la question de l'indépendance parce qu'elle devient plus lointaine. Et en même temps, l'impatience des troupes sur le terrain devient de plus en plus grande. Donc oui, on essaie de réfléchir, on essaie de penser très pragmatiquement au début, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va avoir comme attribut de la souveraineté au début, qu'est-ce que la France pourra conserver et qu'on pourra récupérer plus tard. Et puis, à mesure que l'indépendance s'éloigne, on rentre plus du tout dans ces considérations subtiles et on commence à dire, voilà, indépendance, république algérienne, démocratique et sociale, et c'est tout. Malik Haral, à ce moment-là, dans le cours de l'histoire sur France Culture, je me pose la question, mais les auditeurs et les auditrices aussi se disent, mais c'est incroyable, nous parlons des différentes voies de l'indépendance algérienne. Nous parlons de partis, le MTLD de Messali Hadj, l'UNMA de Ferhat Abbas. Mais qu'en est-il du FLN? Parce que dans notre imaginaire, dans ce que nous avons appris, de ce que nous voyons quand nous regardons l'actualité, c'est toujours le FLN. Il n'y a que le FLN. C'est une vraie question à poser. Comment le FLN s'est imposé et a écrasé les autres mouvements? Peut-être, avant de répondre, petit tour dans les actualités françaises, nous sommes le 11 novembre 1954. Et oui, pour comprendre la politique, il faut comprendre le contexte. Heures troublées en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. On peut croire que le calme sera vite rétabli, disent les actualités françaises le 11 novembre 1954. 1954, c'est l'année où est fondé le FLN, le Front de Libération Nationale. Malik Haral, qu'est-ce que le FLN dans cette histoire? Comment il apparaît à ce moment-là? Il apparaît comme une solution à une situation de crise et à une situation d'usure. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur une scène politique qui se crée après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis qui se font concurrence, la possibilité d'élections même mal fabriquées, en fait, ça use et ça fatigue les militants parce qu'il n'y a jamais de gain possible, en fait. On ne peut rien remporter par ces élections, la répression est de plus en plus dure, il y a de plus en plus de militants qui sont emprisonnés. Du coup aussi, les rangs des partis s'amenuisent, il n'y a pas énormément de gens qui veulent continuer à militer alors que ça n'attire quand même que des ennuis et qu'il n'y a pas de, gain. Et l'un des grands partis nationalistes, le MTLD, rentre en crise, avec une crise forte entre son dirigeant Messali Hadj et les structures du parti. Donc arrivé en 1954, tout le monde sent que il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise pour sortir de cette situation de crise. En fait, la création du FLN, c'est une réponse d'une partie des militants du parti de Messali Hadj à cette crise par la création d'une organisation qui va accélérer le passage à la lutte armée. Et donc ça démarre le 1er novembre 1954. Donc une partie du mouvement de Messali Hadj, le MTLD, se fait une scission, en fait, on peut le dire tout simplement, qui devient le FLN. Est-ce que le FLN arrive à attirer des gens venus des autres partis? Ça prend du temps. Donc en fait, c'est plus une situation, on a une scission du MTLD au départ, et le FLN apparaît comme une sorte de troisième surgissement à l'intérieur du parti qui en sort. Et en fait, c'est vrai, le 1er novembre 1954, c'est peu de monde, c'est peu d'actions. Elles sont spectaculaires parce qu'elles sont sur l'ensemble du territoire et donc ça envoie un signal fort aux gens. Il y a un manifeste, il y a un Bayen du FLN qui s'annonce et qui se déclare. Mais en fait, il y a une vraie question pour le FLN lui-même et pour les gens, c'est-à-dire est-ce que ça va être durable, est-ce que ça va... Et les premiers mois, c'est pas du tout certain. C'est une organisation qui n'est pas très puissante, qui n'a pas beaucoup d'armement. Il va falloir au moins une année pour que l'organisation puisse vraiment montrer ses capacités et puis entrer en négociation progressivement avec les différentes forces politiques. Donc ça se passe différemment selon les différents partis. Ça va se passer par la négociation avec l'UDMA, qui va finalement choisir de se dissoudre et d'inviter ses militants à se rallier au FLN. Certains l'avaient fait sans demander leur avis à la direction du parti. Ça se passe aussi par la négociation avec le PCA, qui lui, c'est plus subtil parce qu'il est un peu plus puissant. Donc le PCA, le Parti communiste algérien, se maintient, mais ceux qui ont choisi la voie du combat rejoignent les rangs du Front de Libération Nationale. Ça se passe aussi par la négociation avec une très grande organisation qui n'est pas un parti politique, mais qui est une association d'éducation culturelle avec un très grand rôle dans le mouvement national, qui s'appelle l'Association des Ulama, et qui, elle aussi, finalement, tardivement se rallie. Ça se passe pas si bien que ça avec les partisans qui demeurent de Messali Hedj, qui fondent très rapidement une autre organisation. Et là, pour le coup, ça se passe sous la forme d'un conflit souvent armée, qui fait beaucoup de morts pendant la guerre, entre les partisans de Messali Hedj, qu'on appelle les messalistes, et les gens du FLN. Malgré tout, Malik Haral, le FLN arrive à s'imposer, il s'impose complètement. Qu'est-ce qui lui permet en fait d'étouffer, on va dire, les autres mouvements, ou en tout cas de prendre pour lui sur ses épaules le mouvement nationaliste? Alors il y a un peu de tout. Il y a un peu de la capacité de continuer à mobiliser et de trouver des voies pour la mobilisation. Et on a parlé en particulier de la capacité à trouver des discours qui parlent aux gens, y compris en utilisant des ressorts religieux, des ressorts de l'identité et la promesse de l'indépendance. Il y a un peu de l'usage de la force. Il y a le fait de tenir dans la lutte contre le colonialisme. On est quand même dans une situation où c'est très très difficile. On n'a pas d'exemple d'un pays colonisé de cette façon-là, avec une colonisation de peuplement aussi importante, avec une déculturation aussi forte, qui parvient à obtenir son indépendance. Donc, simplement le fait de tenir, c'est déjà spectaculaire. C'est spectaculaire aux yeux du monde, mais c'est spectaculaire aussi aux yeux des Algériens. Et quelque part, ça inscrit le combat dans la durée. Il y a aussi de la pression, parfois, par la force. Ça arrive aussi, mais le fait est que, progressivement, l'adhésion au FLN se fait de plus en plus visible. Et à partir de la dernière phase de la guerre, elle commence à se voir aussi dans la foule et dans l'occupation de la rue. C'est-à-dire à partir des grandes manifestations populaires de décembre 1960, le peuple, la foule des Algériens et des Algériennes devient vraiment un acteur de cette dernière phase de la guerre. Et là, dans la participation à des manifestations qui sont à la fois festives et émeutières, il y a une présence populaire maintenant visible. Elle était beaucoup plus secrète et discrète dans la première phase de la guerre, pour montrer son existence, et une existence qu'il est difficile d'interpréter autrement que quand même en lien avec l'organisation du FLN. Et en 1962, ce sont les accords d'Évian, c'est l'indépendance, donc le FLN est le parti évident. Malgré tout, Malik Haral, est-ce qu'à l'intérieur du FLN, il est possible d'exprimer à ce moment-là d'autres voix, c'est-à-dire celles qui existaient auparavant sous forme d'autres partis? Est-ce que le FLN permet, à l'intérieur même de son mouvement, d'écouter ces voix? On a beaucoup de débats au passage à l'indépendance, et on a des choses très contradictoires. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le Parti communiste algérien a continué d'exister. Il renaît à l'indépendance et il renaît populaire à l'indépendance. Et en même temps, dès novembre 62, les partis non FLN sont immédiatement interdits. Et il y a beaucoup de débats, y compris à l'intérieur du FLN, sur qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire comment, c'est quoi la reconversion du FLN? C'était une organisation de guerre. Qu'est-ce que ça doit être dans la paix? Beaucoup de gens, y compris des gens qui n'étaient pas dans la ligne droite du FLN au départ, sont des gens qui peuvent être favorables à un parti unique, à un parti qui serait créer un grand front qui rassemblerait des révolutionnaires de différentes tendances. Et il faut du temps pour que ces différents possibles se referment autour d'un FLN qui est moins multiple que ça n'était possible à l'indépendance. Mais c'est très intéressant de voir que, y compris des gens qui ont été favorables à l'UDMA, par exemple, ou au Parti communiste, sont en 62 des gens qui peuvent être favorables à la création d'un parti unique. C'est un peu contre-intuitif, mais ils ont l'impression que faire avancer la révolution algérienne, et cette idée que l'Algérie n'a pas encore donné toutes ses promesses, c'est-à-dire on a obtenu l'indépendance, mais la révolution est un processus qui va se continuer, et bien pour continuer la révolution, on a besoin d'un front des révolutionnaires, et même si on est différent et si on n'a pas tous les mêmes options, communistes, anciens judmistes, même anciens de l'association des Aoulama, on peut aussi trouver sa place à l'intérieur de ce FLN. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y a énormément de débats autour de ça et autour de la grande question qui va quand même obséder le monde culturel et intellectuel des premières décennies de l'indépendance, et que parfois on se repose encore aujourd'hui, c'est qui sommes-nous ? Qu'est-ce que c'est que d'être algérien, avec des débats extrêmement riches autour de ces questions-là. Malika Rahal, c'est vrai que nous avons commencé notre discussion en évoquant, avec Albert Camus notamment, ce qu'était être algérien et cette identité algérienne qui permet de faire naître ces mouvements nationalistes ou indépendantistes. Et vous terminez la conversation en évoquant que le débat n'est toujours pas fermé. C'est toujours un débat sur l'identité algérienne. Dans le cours de l'histoire, sur France Culture, vers cette heure-là, à peu près 9h50, Anaïska arrive avec son journal de l'histoire, Anaïska, qui programme également le cours de l'histoire. C'est tout de suite avec Anaïs. Anaïs Kien, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, l'heure des mises au point sur la Seconde Guerre mondiale et le fascisme en Italie, tout ça, c'est dans l'air du temps. Mussolini a aussi fait de bonnes choses. C'est le titre du best-seller de Francesco Filippi qui caracole en tête des ventes en Italie, succès relayé par Marc Semo dans les pages du Monde. Si le titre est sarcastique, l'intention de l'auteur ne l'est pas, qui a pour ambition de mettre à disposition d'un large public les données historiques nécessaires à démonter les mythes fondateurs d'un fascisme bienfaiteur, d'un Mussolini en bon dictateur, poussé aux extrêmes par Hitler. Autrement dit, mettre à mal la vulgate qui insinue que comparé au nazisme et au stalinisme, le fascisme, c'était pas si terrible. Une idée séduisante aux yeux de Matteo Salvini, ancien premier ministre italien et leader du parti identitaire de la Ligue, qui s'est fendu en mai 2019 d'un discours donné depuis le balcon de la Piazza Saffi à Forlì, en Émilie-Romagne, où Mussolini avait ses habitudes. Une référence à l'héritage fasciste qui avait créé la polémique. Mussolini a aussi fait de bonnes choses de Francesco Filippi, 160 pages qui reprennent les acceptations courantes sur le fascisme italien, que la recherche universitaire a malmené sans parvenir à être entendue du public. Filippi y rappelle que si les lois raciales ne sont promulguées qu'en 1938, elles sont l'aboutissement d'une politique de plus longue date et que non, les Italiens ne doivent pas l'invention de leur pension de retraite et des HLM à l'esprit social de Mussolini. Si le degré de violence atteint par le régime mussolinien est lui aussi souvent minoré, il est un espace où il atteint des sommets, c'est dans l'Empire colonial. L'ouvrage de Filippi n'est pas traduit à ce jour en français, mais un documentaire d'ores et déjà disponible en VOD et DVD explore les violences coloniales italiennes intitulées « Colonies fascistes ». La réalisatrice, Loredana Bianconi, construit son film à partir de la découverte d'un oncle caché, d'une branche coupée de son histoire familiale, parce qu'il avait fondé une famille avec une femme éthiopienne. Chers parents, c'est vrai. Il y a des gens de Borgo que je ne vais plus visiter. Ils sont trop occupés à parader et défiler tous les dimanches. Ici, ils sont devenus encore plus exaltés qu'en Italie. On m'avait assuré qu'en colonie, il y avait moins de pression du régime. En fait, ils sont partout. Police coloniale, sécurité nationale, milices armées jusqu'aux dents. À travers lettres et témoignages de sa famille transparaissent les premiers temps de la colonisation de l'Éthiopie conquise en 1936, où de nombreux Italiens, fuyant la misère rurale, sont partis pour contribuer à la construction des infrastructures de l'Empire fasciste d'Afrique et y retrouvent un fascisme exalté, d'autant plus fervent avec la distance, l'enrôlement des enfants et le culte mussolinien exporté dans les villes coloniales en construction. L'oncle effacé écrit à sa famille l'exaltation de la conquête, du combat avec la nature inconnue et les rêves de grandeur d'un empire italien retrouvé. Il y raconte aussi la face sombre de cette colonisation, les travaux forcés imposés aux Éthiopiens, la ségrégation dans les magasins, les écoles, les quartiers et l'interdiction des unions mixtes. Colonie fasciste fait également l'histoire du front par interstices, des échos qu'avaient les travailleurs en zone conquise de ceux qui combattaient pour tenir les territoires et les méthodes utilisées contre les indigènes. Vincenzo m'a dit les méthodes utilisées pour combattre ce peuple, qui ne s'était plié à aucun envahisseur. Ces Abyssiniens se sont défendus avec acharnement, mais ils n'avaient rien, que des lances et quelques fusils. Nos avions ont jeté de la poudre qui brûle tout ce qu'elle touche. Vincenzo a vu des squelettes humains qui n'avaient plus de peau, comme brûlés vifs. Il y en avait des montagnes. Le bilan du fascisme italien est toujours en cours contre un déni d'histoire avéré, mais en attendant, l'histoire italienne reste à la merci des discours politiques sur l'italianité. Merci Anaïs. Pour aller plus loin, tous les liens et la réécoute de cette chronique en ligne sur la page du journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. Malika Rahal, nous avons compris, grâce à vous, quelles ont pu être les voies de l'indépendance algérienne, comment plusieurs mouvements ont pu s'unir et comment le FLN est devenu le parti et le parti unique. Aujourd'hui ont lieu les élections en Algérie. Quel regard, vous, l'historienne, vous portez sur ces élections, en tout cas sur les discours? Est-ce que vous arrivez à identifier encore ces différentes voies? Et je mets un X à voix. Oh, la question est difficile et là, c'est facile de se retrancher derrière le fait d'être une historienne pour se dire qu'il va falloir un peu de temps pour voir venir. Je pense que comme beaucoup de gens, je suis surtout anxieuse de ce qui va se passer d'ici la fin de la journée et dans les jours à venir. Il y a énormément de choses qui se reposent, mais parfois dans des termes un peu différents, qui sont pas toujours complètement explicités. Il y a un débat, par exemple, sur la question de l'héritage du socialisme qui n'a pas lieu, mais qui est pourtant latent dans beaucoup de déclarations, notamment de candidats, avec des candidats qui souvent évoquent le fait de vendre, en quelque sorte, l'héritage socialiste. De l'autre côté, on a, en Algérie, comme dans d'autres pays en ce moment, comme au Liban, par exemple, ou comme en Irak, une revendication d'État forte, d'un État bienveillant, d'un État qui prenne soin de la population. Tout ça n'est pas explicité, mais pourtant ces lignes d'héritage de ce qu'on imagine pour le pays à venir, elles sont bien là. Merci beaucoup Malika Rahal d'être venue ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André, Alice Rouet.